Comme tu avais dit, il y a quand même beaucoup de blancs. Il les a enlevés, mais non. Non, mais rien, en fait. Quand je les ai, je l'ai posté, direct. j'ai enlevé, je crois. Il y a trop de trucs. Ça, il aurait pu enlever, quand même. Je suis sexy pour une knack. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Passe à la Maison. Je suis Knack, un des hôtes de ce podcast, et pour m'accompagner, j'ai avec moi mon colloque d'aventure podcastique, Benoît. Bonjour à tous. Ah, tiens, écoute, j'entends plus rien. Ah, ça y est. Vas-y, parle. Allô ? Oui, la musique était tellement forte. C'est vrai. Que ça m'a fait mal aux oreilles. Alors, comment vas-tu, Benoît ? Écoute, ça va. Je rentre de deux jours intenses dans la capitale. Et dis donc, on a été très réguliers, hein, parce que j'ai même pas encore eu le temps de poster le dernier épisode qu'on est déjà en train d'enregistrer. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur une... L'année 2025 va être... Je crois qu'on est sur une année mémorable. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Après, on peut encore se prendre les pieds dans le tapis au mois de mai. Hein. On n'est jamais à l'abri. Voilà. Avec les week-ends longs du mois de mai, après, et l'été. L'été aussi. Ah, ça, c'est toujours une bataille. Ouais. Alors, j'avais prévu un truc, mais on va pas le faire maintenant. Alors, bienvenue dans Passe à la Maison. Ce soir, on est chez Benoît et pour une nouvelle contre-soirée. Et est-ce que tu as suivi une actualité particulière, toi ? Alors, attends, en actualité, tu veux dire à part Trump qui veut annexer la moitié du globe ou Non, pas forcément. Ou des actualités fun, tu parles. En fait, des vraies actualités, des actualités que tout le monde a envie de connaître. Je pense que nos auditeurs et nos auditrices sont en train de... Mais de quoi va-t-il nous parler ? Enfin, un sujet intéressant qui est fort à notre cœur. Alors, il est possible que j'ai eu l'information, mais comme ça vient pas. Mais si tu me donnes des indices, ou je devrais peut-être... Alors, on en avait parlé la dernière fois. Alors, je vais revenir dessus. Donc... Donc, le gros titre, c'est Croatie, un ancien maire soupçonné d'avoir détourné de l'argent public. Alors là, déjà. Jusqu'ici, rien d'anormal, un élu qui détourne de l'argent public. Voilà, on n'est pas. On est sur du soupçon. Hein. Mais voilà, on les connaît. Hein. On les connaît. Comment dire. Tu fais référence à une affaire récente de détournement de fonds ou... Ah oui. Oui, non. De toute façon, il y en a tellement. il n'y a pas qu'un seul exemple, mais c'est vrai que Marine, elle a pris et ça fait plaisir. Alors, un ancien maire est soupçonné d'avoir détourné des fonds publics, mais pour acheter quoi en Croatie ? Ça va être à bouffer. Et c'est en lien. C'est de la saucisse, avec l'épisode, ça, et voilà. En fait, nous arrivons sur un épisode particulier où, en fait, nous avons des actus saucisses. Et en actus saucisses, donc, l'ancien maire soupçonné d'avoir détourné des fonds publics pour acheter quoi ? Une tonne et demie de saucisses sèches. Alors, l'ancien député et maire de la ville croate de Županja, les croatophones, les croatophiles, les croates qui nous écoutent, les croates, mais en tout cas les personnes qui parlent croate, je suis désolé, hein, mais moi j'y vais comme ça à l'instinct. Bah, si un croate, Županja, moi je dirais, si un croate nous écoute ou quelqu'un qui est familier avec la Croatie et qui sait comment que ça se prononce, peut envoyer en vocal. Ah et oui, on le passera dans l'épisode d'après. Tu crois qu'on est capable de faire tout ça ? Oh là là. Écoute, oh, la déjà... technique, la technique, oh là là. Alors, c'est beaucoup de... Il faut déjà que quelqu'un... Là, tu lances un truc, hein, quand faut même. Quelqu'un écoute l'épisode, déjà, premier qui soit croate, ou alors qui soit... Qui ait au moins des liens plus ou moins... C'est ça, avec la Croatie, qui veuille bien nous envoyer un vocal avec la bonne prononciation, que ce vocal nous arrive, et que tu l'intègres au prochain épisode... Voilà. Envoyez sur l'Instagram de Knack en Vrac. Je serai là pour écouter et répondre, bien sûr. Donc, cet ancien maire a été arrêté avec le boucher du village. Donc, ils sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics pour acheter 1,5 tonne de coulonne. Et cette coulonne, c'est une saucisse très sèche. Saucisse sèche est très populaire dans les Balkans. Et ce monsieur, en fait, il a été député aux couleurs du un peu la droite conservatrice, hein. LR, hein. Voilà. Hein. Encore la droite qui tape dans la caisse. Et eux, ils auraient donc lui, il aurait puisé dans le budget de la ville pendant 3 ans pour acheter ses saucisses. Mais pourquoi acheter des puiser dans la caisse pour acheter des saucisses. Donc surtout, oui, est-ce qu'il a revendu ses saucisses ? Est-ce que c'était pour sa consommation personnelle ? Voilà, est-ce que c'est ça pour sa consommation personnelle ? C'est justement... Une tonne et demie, ça fait beaucoup, même en 3 ans, tu vois. Ouais, ouais. Quoique, non, ça fait une tonne et demie... Parce que je pense qu'un Alsacien, il mange pas mal de saucisses, mais peut-être pas autant. Ouais, ça fait une demi-tonne par an. Ça ferait, ouais, si ça fait 1,5 kg de saucisses par jour, ça fait... Ouais, c'est un gros consommateur. C'est ça, il a peut-être des problèmes. Alors, une enquête est en cours. Le propriétaire de la boucherie et le maire faisaient ses achats. Où le maire faisait ses achats a été arrêté. Et le porte-parole de la police a été contacté par l'AFP. Et donc, le porte-parole a bien confirmé qu'une enquête était en cours. En coopération avec le Bureau national de lutte contre le crime organisé et la corruption. Alors, on ignore encore si le maire à la tête de la ville de 2009 à 2021 a gardé les saucisses pour son usage personnel, ou si, comme l'affirment plusieurs médias croates, les coulennes auraient atterri en cadeau sur les tables de plusieurs ministres et sous plusieurs ministères et agences gouvernementales. Du coup, il s'en serait servi pour corrompre des gens. Ouais. mais... Je trouve ça extraordinaire. Au lieu d'avoir une mallette de billets, en fait, il envoie un panier garni, tu vois. Un panier, mais juste avec une seule saucisse dedans, quoi. Il n'y a même pas un assortiment, c'est juste... Ouais, pour le coup, ça fait un peu radin, je trouve. C'est quand même assez... Je sais pas, tu vois, à quoi je serais prêt pour une saucisse ? Jusqu'où je serais prêt à me corrompre pour une saucisse. Ouais, quand même. J'aime bien ça. Parce que tu en manges un peu, tu veux, mais 1,5 tonne, même si t'aimes bien la saucisse. Ah, surtout, tu vois, les risques encourus, je sais pas. Est-ce que, à ton avis, les saucisses, après, ils les revendaient contre de l'argent ? Peut-être. T'sais, ils les récupéraient. Mais j'aimerais bien savoir un peu la suite pour qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'il prenait toutes ces saucisses sèches et il les revendait sur le bon coin après? Ça, on ne le sait pas. Hein, mais on va mettre des gens sur le coup, je pense. Là, c'est de l'investigation. Hein. Là, je vais appeler Rhinocéros. Hein. On va partir sur un podcast True Crime. Un podcast en collaboration avec Blast. C'est Hugo Clément, je pense que ça peut l'intéresser. C'est comment il s'appelle le mec qui fait Rhinocéros chez Blast. Hugo Décrypte, au pire, hein, on peut voir. Hugo Délire. Ne pas confondre Hugo Décrypte et Hugo Délire. Alors, maintenant, vu qu'on est lancé maintenant sur les actus saucisses, alors, je sais pas pour combien de temps hein, on va... Est-ce que cette source d'information va se tarir dans les prochaines semaines qui vont venir ? Ça, on ne sait pas. Alors, moi, je tenais aussi à dire que ton information saucisse de la dernière fois sur les saucisses de chez Volkswagen ou Audi, je me souviens plus. Chez Volkswagen. Chez Volkswagen, a été reprise dans le Floodcast. Hein. C'était chez nous avant d'être dans le podcast. Alors, comment tu le vis? Ils cherchent leurs infos, je crois qu'ils s'inspirent de nous. Mais... Alors, quand on parle saucisse, c'est vrai que dans l'est de la France, on n'est pas mauvais. Hein. Avec une petite tendance germanique, on essaye de tout mettre en saucisse, sous forme de saucisse. Mais il y a aussi, tout à l'ouest de la France, il y a la Bretagne. Et la Bretagne, qu'est-ce qu'on y fait ? Des crêpes. Des galettes. Des galettes. Des galettes saucisses. Ouais. Ils ont nouveau battu un record du monde de longueur de galettes saucisses. Exactement. Le dimanche 2 mars, au parc des Gailleuls à Rennes, plus d'une centaine de personnes se sont réunies pour voir de leurs propres yeux cette galette saucisse géante. J'ai vu des vidéos. Donc en 2022, donc c'était la commune de Saint-Germain en Coglès. Alors, excusez-moi, hein, peut-être, je me demande, on ne dit pas Saint-Germain-en-Cogles, mais... Il y a un accent, alors, je ne sais pas. Qui avait battu donc, le record du monde avec une galette saucisse de longue de 72 mètres. Et alors, cette fois-ci, pour réaliser ce record, il a fallu s'équiper d'environ 50 tables de 2 mètres de long. Et en fait, ils les ont toutes les tables, ils les ont mis en file indienne. Ouais, en file indienne. Ils ont fait la chenille avec les tables sur 100 mètres. Et ils ont eu un rouleau d'aluminium de 200 mètres. Et à partir de là, ils avaient 500 galettes et saucisses. Et des mains de volontaires équipées de gants pour rouler la galette. Donc c'est vraiment... c'est pas une galette énorme. Oui, ça, en fait, c'est vraiment plusieurs galettes chevauchées et ils la roulent tous en même temps. Voilà. Et qui a fourni les galettes? Et c'est là que c'est intéressant. Parce que c'est là où l'investigation, elle pèse. Alors, je vais quand même essayer de deviner, c'est des galettes, une marque de galettes connue? Non. Cet événement était porté par Enzo Hué et Baptiste Meust. En guise d'échauffement. C'est champion du monde de galettes ou un truc comme ça ? Non, en fait, ils partent début avril, donc là, en ce moment, ils partent pour un trip de 9 mois autour d'Europe et des festivals avec un food truck itinérant baptisé Braise Trip et l'occasion pour ces deux amis de faire découvrir la galette saucisse et les crêpes au-delà des frontières bretonnes. Donc avant de partir, ils ont fait un petit événement pour s'échauffer, pour faire un peu un stock de crêpes. C'est assez malin en termes de com' pour se faire connaître. Voilà. Et donc ils font le tour pendant 9 mois, ils font le tour de l'Europe et ils essayent de faire le tour. Quoi. Voilà, et ils font le tour des festivals de musique, tout ce qui s'organise en fait, ils passent et ils font les crêpes. Ils vendent des galettes saucisses. Voilà, donc ça c'était les actus saucisses. Je pense que personne ne nous les prendra. Je te dirai ça la prochaine fois. Est-ce que je l'aurai entendu Ah ouais, c'est vrai, mince. Bah ouais, début du coup. Après, moi je vote pour qu'il y ait au moins une actus saucisse par épisode. J'aime bien cette idée. Ouais, bah je vais essayer de la garder. On verra hein, si ça tient dans le temps ou pas. Est-ce que la saucisse est aussi présent dans l'actualité que ce qu'on aimerait. Bon, après, comment dire... Je pense. Tu mets une alerte dans Google News sur le mot saucisse. Mais c'est pas forcément là où je les trouve le plus, tu vois. Ok. Donc, t'as d'autres réseaux Ah oui, non, mais là... T'as des indices. Là, je suis en direct avec l'AFP. Là. J'ai un contact à l'AFP. Dès qu'il a un truc sur la saucisse, il me le... Ouais, ça... il te le relaye. Exactement. Voilà. Donc, après cette petite intro, on va parler un peu de nous. un peu de moi aussi. Bah, surtout de toi. Alors... vous, chers auditeurs, vous ne l'avez pas entendu, mais depuis quelque temps, je joue de la guitare. Donc avant, je n'ai jamais réussi à faire de musique avant. Premier instrument que tu fais ? Première, Ouais, oui, première fois vraiment que je m'intéresse à essayer de faire quelque chose. Donc, avant, non, il n'y a pas vraiment de. Je suis vraiment. Même pas petit, tes parents t'ont forcé à faire un instrument ou un truc Non, mais ça n'a jamais été. Je sais qu'on avait un petit clavier, un petit synthé à la maison, mais j'ai jamais fait. En fait. Retenir des notes, déjà les notes j'arrivais pas à les lire et les retenir après c'est encore autre chose quoi. Voilà, donc il y a quelques mois maintenant on a découvert l'application Musician et en fait ça permet en fait d'apprendre assez simplement avec un peu ça se présente un peu comme le jeu Guitar Hero. Donc y a les notes apparaissent et dès que ça passe sur la ligne en fait il faut que tu joues la note et si t'es dans le temps en fait t'as un peu plus de points tu vois t'as un petit côté gamer qui se fait et ça se fait assez bien avec les couleurs ils utilisent des couleurs pour utiliser les doigts pour bien identifier quel doigt doit se placer où. Et voilà, depuis maintenant, ça fait bien plus, un peu plus de 6 mois là, que je m'y suis mis. Et petit à petit, par coup de 10-15 minutes, j'évolue comme ça. Et voilà, ça me fait découvrir un peu aussi d'autres chansons, comme on en avait parlé la dernière fois. Mais du coup, le logiciel, il reconnaît non seulement le son de la guitare, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas la caméra du téléphone qui peut analyser le placement des doigts ? Non. C'est vraiment le son. Ouais, c'est vraiment le son. Bon, en fait, quand tu accordes la guitare, en fait, tu joues devant le téléphone et ça te dit si t'es sur la bonne fréquence, quoi. Parce que voilà, c'est juste des fréquences sonores, donc il regarde à peu près la vibration que tu as et ça se détecte assez facilement quoi, en fait. C'est assez simple à partir d'un téléphone. Le téléphone arrive à gérer des choses quand même plus complexes que ça, quoi. Du coup, un peu plus de 6 mois que tu as commencé. Ouais. Et à raison de combien par jour? Non, pas. Je fais peut-être 3 séances par semaine. Ah oui, ok, donc c'est même pas. Non, c'est même pas. C'est un peu de temps en temps, tu vois. Tu vois la guitare, tu fais oh bah tiens, j'ai un peu de temps là. Je fais. Quand tu l'ouvres, en fait, t'as des petits jeux. Enfin, c'est comme un jeu quotidien, tu vois. Voilà, il te propose d'accorder ton instrument, de jouer quelques accords, ensuite quelques notes. Et à la fin, il te propose une chanson à faire, et ça dure pas très longtemps. Et après, je mets des chansons à mon niveau, donc tout est classé par niveau, et c'est quand même très progressif. Donc si tu suis les niveaux, normalement tu réussis à le faire, quoi. Et tu peux choisir les chansons que tu veux jouer ou... Ouais. Ok. Et une liste qui correspond à ton niveau et tu tapes dedans. Ouais, c'est ça. Et après, chaque chanson, soit tu joues l'intégralité de la chanson, ou alors tu peux jouer juste une partie, ou une partie simplifiée. Donc ça reste quand même assez... ouais, généralement, sur une chanson, t'as plusieurs versions qui existent dessus, quoi. T'as pas tout de suite la version unique de l'artiste, t'as des versions simplifiées. Et tu joues du coup sur téléphone et c'est des tablatures, c'est pas trop petit pour lire ? Non, non, non, ça se fait bien. Vu que de toute façon, t'es juste devant, ouais, c'est vrai que moi, je trouve ça beaucoup plus lisible que qu'une feuille ou. Ouais, non, mais je me serais dit, tu vois, parce que ça serait peut-être plus confort sur tablette ou que le téléphone, ça risquait d'être peut-être un peu petit, mais... Non, moi, ça me dérange pas. C'est pas, j'ai pas, ouais, j'allais dire, j'ai pas un téléphone très grand, mais sur la tablette, je crois que ça changerait rien du tout, en fait. Voilà, donc c'est mon premier instrument. D'ailleurs, c'est celui d'Elsa. Elle a été offerte à Elsa. C'est elle qui devait faire la guitare et comme elle ne l'utilisait pas, tu t'es dit bon, bah, je vais y aller. En fait, c'est à la maison, donc on l'utilise. Voilà, vaut mieux que quelqu'un l'utilise que personne n'y touche, quoi. Donc, voilà. Puisque elle s'est mise au ukulélé. Non, elle aussi. Ah. Elle, non, c'est sa guitare. Ok. Je sais pas pourquoi j'avais... C'est ma fille qui a un ukulélé. Justement, on a pris la première fois Musician, c'était pour elle. C'était, ok. Parce que nous, on savait pas comment faire. Et on avait vu ça. On fait, ah, bah, tiens, ça peut être sympa. C'est un peu comme Guitar Hero. Et à tes souhaits. Et on avait vu ça, et donc et de temps en temps t'as un petit interlude avec des vidéos pour dire comment est-ce qu'il faut placer les doigts, quand tu places tes doigts comme ça, comment on peut faire pour passer d'une phase à une autre, et voilà, c'est comme des choses qui sont pas forcément évidente quand t'as pas de tuto du tout. Parce que moi, ce que j'avais peur, tu vois, c'est que t'arrives avec une feuille, tu vois, et en fait, ben, la feuille, en fait, le rythme, tu sais pas, quoi. Et toutes les chansons, aussi, ouais, toutes les chansons, en fait, t'as quand même l'orchestration qui est derrière, qui reprend la chanson. T'es pas en train de faire un truc dans le vide où tu connais pas le rythme, ou même, tu vois, pour au début, tu joues quand même que quelques notes, tu vois, mais c'est des notes qui sont dans le rythme et dans la sonorité de la chanson. Donc, et du coup, t'es quand même accompagné. Même, ouais, voilà, t'es pas tout seul. Parce que moi, je sais que les fois où j'avais essayé de faire de la musique, tu vois, partir de quelque chose, d'une feuille, et de sortir un rythme, un truc, bah, en fait, c'est pas accessible du tout, quoi. Ça, oui, te donne pas envie de décourager. Ouais. Ouais, parce que j'avais essayé un peu au piano, mais c'est pas, ouais, tu peux, j'ai pas tenu 2 semaines, quoi. Ah, moi, je sais que j'avais essayé de me mettre à faire de la guitare aussi à une époque. Pardon. Avec un pote qui, tu vois, qui me filait un peu des cours, mais après, en vrai, c'était le boulot, tu vois, de quand même, il y a des trucs où tu dois, c'est répétitif, je trouve, tu vois, il y a pour les même si c'est les trucs à 3 accords à la con, il y a quand même un moment où il faut que tu travailles tes enchaînements. Ouais, parce que après, là, je commence à, parce qu'au début, tu fais juste une note après l'autre, après et petit à petit, en fait, tu commences à faire des accords, et après, d'accord en accord. En fait, il faut savoir comment tu vas placer tes doigts sur le prochain accord, et trouver le chemin le plus court pour le faire, pour pas te perdre. Donc, ça, c'est des choses. Tu réfléchis un peu à ça, quoi. Donc, ouais, là, je commence à déjà faire sonner les accords et que ça sonne, parce que bon, au début, tu fais des accords, ça sonne pas. Hein. Tu poses tes doigts et tu fais une corde après l'autre, et tu vois qu'il y a des cordes. Ah, ça fait caca, quoi. T'as ce truc où tu places un doigt, tu trucs, ça sonne, deuxième doigt, ça sonne, troisième doigt, ça sonne, tu mets les trois et. Ça sonne pas. et en fait, ça, c'est vraiment avec le temps, c'est vraiment avec la mémoire. Ouais, c'est une mémoire physique et musculaire de. Comment bien le placer vraiment avec le bout des doigts pour le faire avec le bout des doigts pour pas écraser les autres cordes avec la pulpe du doigt, alors que parce que c'est quand t'as les doigts vraiment au bout du manche, l'espace il est quand même pas, et c'est pas énorme, hein. Il y a un peu de place, mais faut pas, c'est pas là-dedans que tu vas faire la fête à 40, quoi. Clairement, c'est pas l'endroit. Donc voilà, donc maintenant, petit à petit, maintenant que j'arrive à faire des accords, je commence à toucher un peu le rythme de, en fait, à droite, donc la main qui gratte les cordes, là, je commence à faire des rythmes avec, quoi. Donc tu comptes, voilà, tu fais 4 fois la même chose, tu changes l'accord avec la gauche. Et avec la droite, ben, tu essayes d'être régulier dans le rythme que tu donnes. Et c'est pas forcément... Ouais, bon, là, on fait des trucs... J'allais dire, tu joues quoi, là, en ce moment? Là, en ce moment, Joan Osborne. Ok. Là, c'est vraiment juste avec les notes. Genre quoi? Genre One of Us ou... Oui. Oui, oui. Attends, je regarde sur l'application que je lance tout de suite. Et que je vais pouvoir te montrer, tu vois, comme ça tu peux un peu voir à quoi ça ressemble. Et alors, ce qui est pas mal. Tac. Non. Mes chansons, en fait, t'as les artistes favoris. Et là-dedans, tu vois, bah, là j'ai Torn de Nathalie Imbruglia. Tu vois, c'est un truc, ça se fait bien. Blur. Song to de Blur. Voilà, Song to de Blur. Bring Me to Life de Evanescence. Ouais, donc One of Us de Joan Osborne. Just a girl de No Doubt. Ouais, voilà, il y a The Offspring aussi. Voilà, donc c'est des petits. À chaque fois, en fait, à côté, t'as le niveau. Donc 2, 3, donc là il y a The Cranberries Zombie, et petit à petit en fait tu rajoutes des petites choses quoi. Et quand tu as une chanson, sur la partie gauche en fait, tu peux, donc là c'est la version niveau 4, mais tu peux la changer avec, tu vois, t'as le niveau 2, niveau 4, niveau 5, niveau 6... Et voilà, donc t'as plusieurs... avec une seule chanson, en fait, t'as plusieurs difficultés. Et ça rajoute quand même pas mal d'heures de pratique après, quoi. Voilà, donc c'est des petites choses. Après, je sais qu'il y avait... sur le fil d'actualité, t'as les chansons du moment. Alors qu'est-ce qu'ils viennent d'ajouter? Et il y avait la fête... comment dire, le jour des droits des femmes. Donc là, ils avaient fait toute une sélection de musique avec des chanteuses, des guitaristes, quoi. Donc ça, c'était sympa. Voilà, donc régulièrement, t'as des petites entrées, les collaborations avec des artistes, parce que là, j'ai vu qu'il y a Billie Eilish, elle y est beaucoup dessus. Il y a plein de... Elle a beaucoup de chansons et tu as plusieurs variantes quoi, à chaque fois. Et c'est une application qui est payante ou ouais, c'est elle payant. Est gratuite et tu sais, tu as eu des achats in-app ou des trucs comme ça? Non, c'est payant à l'année. Et je sais plus exactement, je crois que c'est... vous avez autour de 160€ l'année, un truc comme ça. Oui, ce qui est... Après, tu te dis, bah, plus tu joues, plus tu... oui, après, c'est à toi de la rentabiliser. Plus, oh, bah, ça va, en fait. ça m'aurait coûté moins cher d'acheter... ça coûte moins cher que d'acheter un livre, tu vois, et essayer de regarder les accords et de ne pas réussir et de dégoûter, quoi. Donc là, le but, c'est quand même de pouvoir lancer le truc. Et aussi, quand on joue... Il n'y a pas juste le score, tu peux aussi juste, t'as soit joué, soit s'entraîner. Et quand tu t'entraînes, en fait, tu peux changer la vitesse. Et ça, c'est pas mal. Hein. Parce que, en fait, tu commences pas ta chanson à 100% de la vitesse. Tu la commences à 85, et petit à petit, tu l'augmentes. Et dès que tu l'as bien dans les doigts, en fait, tu te mets à 100%, et ça, c'est pas mal. Ça, c'est un... Je crois que franchement c'est un des trucs les plus intéressants à faire. C'est d'augmenter la rapidité, ouais. De manière progressive. Ouais, ouais. Pouvoir vraiment avoir la main dessus, là-dessus. Et ça, c'était. C'est le truc qui fait vraiment la différence. Maintenant que j'y pense. Et toi qui n'avais jamais appris d'autres instruments. Avec un prof, du coup, t'as pas forcément ce côté où t'aimerais bien avoir quelqu'un qui t'accompagne un peu plus ou t'es content du. Non, franchement, je suis content des résultats que j'arrive à obtenir parce que si de toute façon t'es avec quelqu'un, Il faut se trouver un créneau, il faut... oui, humainement, c'est pas mal, tu vois, mais je sais que dans le haut village, il y a une école de musique. Ils font un petit concert au mois de juin, tu vois, mais c'est tout ce que je sais, tu vois. Je vois juste des enfants qui passent avec des instruments, mais... voilà, donc je sais que s'il y a possibilité de faire un truc, je sais que ça bouge un peu, quoi. Il y a une petite activité pas trop loin. Mais pour l'instant, franchement, je joue quand je peux, en fait. Parce qu'avec avec le boulot, la famille, faire les courses, le machin... Le brassage... Le brassage, le podcast, la course à pied... il faut réussir à... Ça, c'est un casse-tête d'agenda en permanence, quoi. Donc, Surtout qu'en plus, jouer d'un instrument, tu peux pas dire, allez, je le fais le soir très tard ou autre. La guitare, à la limite, ça va. Ok. Parce que c'est une. Comment dire, c'est pas une guitare électrique, c'est une guitare folk. Justement. Donc. Une électrique, tu pourrais dire, tu joues sans la raccorder à un ampli ou en la raccordant à l'ordi, tu vois, et jouant au casque. Ouais. Une folk Non, mais ça, c'est pas si fort que ça. Et en fait, ça berce. C'est même quand... ouais, j'évite de faire des gros... Tu sais, justement, des accords comme j'ai fait l'autre jour avec ma fille. Tu vois, genre, on se met dans la chambre et on joue à fond. Peu importe ce qu'on joue, mais on essaye de faire sortir un son. Et mais oui, non, le soir, en fait... Ouais, je sais. Et en plus, les enfants, ils m'ont dit... Oh, non. Moi, j'aime bien quand tu joues le soir et tout, c'est cool. Tu vois. ça rajoute un petit truc, tu vois, c'est une petite... Ça fait un petit bruit de fond sympa. Ouais. C'est pas reçu désagréablement. Et ça fonctionne uniquement pour les instruments à cordes, parce que du coup... Il y a guitare, ukulélé, tu peux aussi faire de la basse. Le basse, c'est la même application. Il y a une application pour faire le chant. Ok. On l'avait téléchargé, je crois, mais c'était pas. Les cours sont pas en français. Il y a que la version anglaise, donc. Moi qui ne parle, enfin qui comprend pas l'anglais comme ça, je comprenais pas ce qu'il me disait, quoi. Donc. ouais, donc c'est moins cool. Ouais. Il y a le piano aussi. Et je suis en train de me remémorer à peu près. Piano, basse, chant, guitare. Parce que c'est un truc. Mais du coup, ça te donnerait envie, une fois que tu maîtriseras un peu mieux la guitare, ouais, c'est ça. De te mettre au piano éventuellement ou pas forcément Non, pas découvert je pense une pas. Passion dévorante pour l'apprentissage non, pour apprendre, non, pas forcément, non. Oui, donc il y a juste guitare, piano, ukulélé, basse et chant. Voilà, ce qui est et qui sont accessibles si tu as si tu payes déjà un instrument, tu payes pour les autres. Donc ça c'est quand même cool, hein. Oui. Oui, si tu devais à chaque fois mettre un billet pour chaque instrument. Ouais, là, tu t'en finis pas. Mais voilà, donc ça, c'est un truc. J'aime bien me poser un peu le soir. Parce que, bon, vu que je travaille sur écran toute la journée, j'ai besoin. j'ai besoin de faire autre chose. Hein. Décompresser à faire un truc un peu aussi. Bah, après, c'est toujours intéressant de faire travailler les mains, hein, je veux dire, que ça soit en bricolant ou autre, je trouve il y a un côté, je trouve ça détend. C'est le travail, ce côté. Tu fais quelque chose, mais c'est pas forcément, t'es pas dans la production en fait. Au final, si quand même, mais. Oui, mais bon, c'est pas, c'est de la production. Oui, c'est pas, c'est pas quantifiable. De manière... C'est comme lire un livre. C'est pas tangible. Ouais. J'allais dire, c'est comme lire un livre. Tu vois, tu profites du moment. C'est pas... Oui, tu produis rien de vraiment concret, même si c'est toujours Même si c'est bénéfique. Ouais. Voilà, donc ça, c'est quelque chose vraiment que, en ce moment, j'aime bien. Moi, j'ai toujours eu des amis qui jouaient de la guitare un peu à droite à gauche, mais c'est vrai que ça faisait un moment que quelqu'un voilà, m'avait pas montré un truc, tu vois. C'est vrai que quand j'étais au lycée, j'avais un ami qui nous avait, il avait une guitare électrique et il nous jouait du Muse. Vas-y, je te fais les premiers albums de Muse qui sont bien énervés là, il les prenait, il les faisait tous, tu vois. Tu fais, ah bah ok. Ouais, tu veux cette chanson là, je la connais. Tu fais, ah ok, ça a quand même une autre gueule quand c'est quelqu'un qui fait, tu vois, c'est il y a un autre charme, tu vois, c'est... Et du coup, c'est la première vraie tentative que tu fais d'apprendre un instrument. Ouais. Donc ça passe plus de 2 semaines, quoi. Donc là, ça fait même plus de 6 mois, donc c'est quand même... On est pas mal. Parce que bon, t'as quand même un moment où t'as un peu une barrière, que ce soit physique ou mentale, mais même pas, en fait, parce que petit à petit, quand je reviens dessus, en fait, ça va toujours de mieux en mieux, quoi, donc... Parce que c'est souvent ce qui fait arrêter les instruments, genre, c'est ce côté où tu vas progresser, après t'as l'espèce de palier où tu dis, mais putain, je progresse plus, je suis coincé, jusqu'à réussir à... Et voilà. Tu l'as, ce phénomène-là, ou pas tant que ça, au final? Bah pour l'instant, en fait, non, parce que... en fait, à chaque fois que tu joues, ça te permet vraiment d'apprendre, de créer des liaisons musculaires avec qui seront enfin, tu essayes de faire des choses, tu vois, tes doigts, toi tu veux, mais tes doigts ils veulent pas. En fait, ils vont à un autre endroit, ils vont se perdre, ils font des trucs, au lieu de toucher une seule corde, ils en touchent trois en même temps. Et petit à petit, en fait, de séance en séance, tu t'affines petit à petit, et finalement tu t'améliores comme ça, quoi. C'est pas donc on va dire que c'est plus du temps de pratique. Tu pratiques un certain temps, et ça te sera bénéfique. Et ça t'a amené à des fois travailler ta guitare sans l'application, tu vois, genre tu prends la guitare et oui. T'essayes de Les accords, oui. Ouais. Quand je te disais que ouais, j'essaye de faire un rythme, tu vois, et d'essayer de le tenir, tu vois, t'essayes de faire un truc qui ressemble à quelque chose, et t'es même juste une variante entre un accord et un deuxième accord, mais toujours avec le même rythme. C'est pas si ton accord, en fait, quand tu grattes, ça sort pas. En fait, il faut quand même réussir à le faire sonner, quoi. Au moins faire sonner le ouais, juste faire sonner le... Pas forcément vouloir faire une chanson complète, mais faire juste un son agréable, quoi. Oui, déjà, savoir faire un accord correctement. Ouais. Et là, j'ai vu que ça s'améliore. Plus tu le fais, finalement, bah, ouais, t'as des petits... des petites étapes qui sont une surprise, parce que moi, je suis vraiment dans la découverte, hein, donc... Et du coup, la finalité, c'est que tu aimerais avoir un petit niveau, entre guillemets, qui te permette de continuer à explorer un peu tout seul, ou vraiment ce truc d'appli avec un accompagnement progressif, c'est... Être capable, tu vois, d'animer une soirée d'une soirée feu de camp, tu vois. Voilà, est-ce qu'il y a besoin de plus? Je sais pas. Mais ce serait déjà pas mal, tu vois. Genre que si ça dure, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure. Après, ça, c'est de la culture personnelle. Parce que au bout d'un moment, t'as des versions compliquées, mais t'es pas obligé de faire que du compliqué non plus, quoi. Oui, c'est le côté convivial de la guitare, le côté sympa. On va dire que tu fais des exercices avec des partitions compliquées pour pouvoir progresser, mais après, c'est pas forcément les choses les plus compliquées qui sont les plus agréables à écouter. Donc le but, c'est pas forcément de partir en tournée d'ici la fin de l'année avec un groupe. Pas d'ici la fin de l'année, en tout cas. Je vois pas trop comment ce serait possible. Non. Tout plaquer, devenir guitariste professionnel, c'est pas pour tout de suite. Non, pas tout de suite. Quoique j'ai vu un... à Rivière, il y a eu un... Il y a un bar qui a fait... Enfin, ouais. Il y avait un bar qui était ouvert. Je regardais toujours parce qu'il y avait... Comment dire, c'était un endroit où tu peux sortir. Donc, dans la ville, dans le village de Rigvir. Et donc, village touristique. Mais en haut du village, en fait, tous les mercredis... Enfin, les mercredis soirs, toutes les deux semaines, il y a une sortie course à pied. Avec un, le, et l'arrivée, en fait, c'est au bar. Donc, déjà... On est en train de parler de course à pied, de bière, et en plus, ils ont vraiment une très bonne carte de bière. Ils ont déjà un bar qui sert des bières qui viennent des intenables. Déjà, tu dis, bon, là, on n'est pas sur n'importe qui. Et là, en fait, ils ont fermé. C'était le mercredi soir, et Elsa, c'était le jour de badminton. Donc, et là, je me suis dit, ah, Elsa, elle est pas là. Ouais, elle a pas de badminton. Je vais regarder. Et ils ont fermé. Et pour les congés ou définitivement? Non, définitivement. Ah merde. Donc, là, juste avant ils ont fait des soirées d'adieu, quoi. Et il y avait un groupe qui m'a, comment dire, le titre m'a attiré l'œil, tu vois. En fait, c'est l'intervalle entre le quai et le marchepied. Donc, ça, c'est un groupe de punk. Ah, ça, c'était le nom complet. Ouais. Je croyais que c'était genre. C'est le nom du groupe, c'était tel mot qui veut dire l'intervalle entre le. Non, le nom du groupe, c'est l'intervalle entre le quai et le marchepied. Ok. Je pense que c'est des personnes qui devaient prendre souvent le train. Est-ce que c'est pas des comme Didier Vampas qui était employé à la au transport de Paris? Ah, c'est possible. Est-ce que c'est pas des employés de la SNCF? Je ne sais pas, mais en tout cas ça m'a j'ai vu ça, j'ai fait ah, ça c'est des personnes qui réfléchissent. ça m'intéresse. Donc je voyais ouais, voir des personnes comme ça jouer, tu vois, c'est dans des petits bars, c'est cool, quoi. C'est vraiment tu vois, avec hier soir on était avec Alio, donc elle joue dans un groupe de reggae où elle fait des reprises de reggae. Alors bon, moi j'aurais pas oublié ça, mais bon, au moins tu vois, elle participe au truc. C'est quoi, c'est le reggae que tu n'aimes pas du tout, ou les gens qui font des reprises de reggae? Non, je pense que c'est j'ai un peu du mal avec avec déjà le rythme du reggae et ces petits coups de, tu sais, des petits coups de synthé de piano. j'aime pas. T'as du mal. L'espèce de synthé des années 70, là, ça me pique les oreilles. Bon, voilà, après, hein, ça, c'est comme c'est les goûts et les couleurs. Hein. Oui, après, c'est en musique, il en faut pour tout le monde. Bah oui, hein. Ça, les goûts et les couleurs, hein, c'est un peu comme les trous du cul. Hein. Chacun a le sien, et c'est très bien comme ça. Hein. Oui, effectivement. Je ne voyais pas quelle punchline je pouvais mettre de mieux, là. Elle était parfaite. Voilà, donc, c'était ma petite pierre que je pose à l'édifice de passer à la maison sur l'apprentissage. Et encore une rapide dernière question, c'était c'était la première appli que t'essayais, ou t'en avais déjà essayé d'autres? Et ça avait moins bien marché, tu vois, je veux dire, au niveau avant tu conseilles... on avait essayé une autre application, mais mais c'était pas aussi réussi. C'était un truc un peu franchement moins sympa et moins facile, et une bibliothèque moins intéressante aussi, quoi. Donc t'es pas obligé de je sais que t'as le Guitar Pro, tu vois, c'est le truc depuis, je sais pas combien d'années, ça a toujours existé, j'imagine, sur PC, tu prends les musiques, c'est de la composition sur... c'est la composition assistée par ordinateur, et tu peux récupérer déjà plein de tous les fichiers, quoi, qui sont tous les trucs qui se fait à la guitare, c'est dessus, quoi. Mais maintenant, tu es juste là avec un téléphone, tu peux le faire, t'es pas obligé... Moi, je sais que j'ai beaucoup de... Les personnes au lycée qui jouaient de la guitare, ils s'entraînaient tous avec Guitar Pro, en version craquée, bien sûr, bien évidemment. Ok. Hein. Moi, au lycée, pour avoir justement le rythme et le... Ben, finalement, ce que t'as directement sur le téléphone. Je sais qu'à l'époque, au lycée, ceux qui faisaient de la guitare, c'était plus avec des tablatures et il n'y avait pas de... Ouais, voilà, ils sortent des tablatures avec... On n'était pas encore informatisés. Ouais. Mais c'est... Mais j'aime bien cette idée d'avoir sur le téléphone et même, tu vois, jamais t'as une petite guitare, comme dit, soit un ukulélé ou soit même une guitalélé, qui sont des petites guitares faciles à transporter, tu vois. Je me dis, ça peut être cool, t'es en voyage, t'es en machin... Tu peux vraiment t'entraîner un peu n'importe où, tu vois. C'est peu de contraintes au final. Parce que là, même hier soir, quand je jouais dans le salon, là, en fait, je jouais, mais je jouais sans l'instrumentation qui était derrière, tu vois. Je dis, je l'assume à peu près, tu vois. Je fais un truc qui ressemble à peu près au bon résultat. Donc, je me permets de couper le son et de faire par moi-même, quoi. Et quand tu joues avec le son en fond, tu le fais au casque ou... Non, je le fais comme ça. Ça fait pas trop de bruit. Ça fait, ouais, ça fait moins de bruit que la guitare. Donc, non, c'est quelque chose de plaisant. Hein. Et ouais, ça, tout de suite, en fait, t'arrives, tu t'allumes, t'as tout de suite le truc. Tu les as repérés, de toute façon. Bon. Avant, je prends des chansons et c'est quand même des trucs que j'ai un peu travaillé avant, quoi. Donc je vais pas totalement dans l'inconnu, quoi. Donc c'est pas mal, quoi. T'as une petite liste avec tes favoris et après t'as tout le catalogue, mais bon, tout le catalogue, c'est pas nécessaire, quoi. Oui, après je pense que tu vas te concentrer sur quelques titres. Bah, de toute façon, enfin, je vois la playlist que t'as, c'est quand même assez nostalgique. Et c'est ciblé clairement sur j'ai envie de jouer ce qui me plaît. Les trucs, justement, tu vois, genre une chanson de reggae, tu vois, je la vire, tu vois. Je fais non, celui-là tu me la proposes pas, quoi, tu fais autre chose, hein, mais il y a plein de chansons qui existent, t'en as à l'appel. Pourquoi tu vas perdre du temps à faire quelque chose qui te plaît pas? C'est aussi un peu là, quand j'étais au collège, j'avais un prof de musique où en fait il donnait que des bonnes notes, tu vois, aux personnes qui étaient dans son école de musique. Et pour le solfège, le machin, tu vois, mais et en fait, il s'intéressait pas du tout aux autres personnes, tu vois. C'était un truc, c'était vraiment du gros clientélisme. Genre, inscris-toi dans mon école de musique et t'auras des bonnes notes. On va faire une chorale du collège, tu vois. Et en fait, dans la chorale du collège, tu vois que des personnes qui sont à l'école de musique, tu vois. Ouais, ça fait du foutage de gueule là, non? Non, j'ai recruté sur audition. Donc, éviter justement d'aller sur des chansons qui te plaisent pas, et vraiment juste, parce que voilà, on a quand même un temps qui nous est un peu compté ici, quoi. Donc, dans la journée, on fait déjà pas mal de choses pour le boulot et tout. Alors, si en plus le soir on fait des trucs qu'on n'a pas envie de faire, en fait, je pense que c'est contre-productif, quoi. Oui, c'est pas comme ça que tu vas continuer à pratiquer, à progresser. Enfin, faut pas que ça soit une contrainte, faut que ça soit un plaisir. Même si le plaisir n'empêche pas de vouloir te challenger, de travailler pour progresser, tu vois. Mais faut quand même que ça soit source de plaisir. Ouais, et après, on a bien vu. Hein, les pianistes, ils adorent le Chopin, tu vois. Mais Chopin, nous, on s'en fout, en fait. Ouais. Oui, c'est les chansons de guitaristes, tu vois. C'est des trucs avec des parties, de, ouais, genre c'est trop bien et tout. Et en fait, c'est tellement technique qu'en fait, l'auditeur lambda, tu vois, en fait, il se fait chier, quoi. Et c'est juste trouver la limite, qu'est-ce qui est bien pour tout le monde. Bon et qu'est-ce compromis. Qui... Et là, t'es en train de faire chier tout le monde, là. Donc arrête. Ouais, bon, voilà. Il y en a qui font pour la performance, quoi. Oui, après, ça dépend. T'as des trucs qui étaient... Après, t'as des gens qui aiment bien aussi écouter des trucs ultra techniques. Hein, c'est pas... Oui, bon, après, enfin... Mais oui, après, il y a des fois, il y a des morceaux de guitare après, je... où c'est clairement de la branlette, où le mec... tu dis... Là, c'est juste, tu fais des trucs, c'est juste une grosse démonstration. C'est pas vraiment très intéressant. Ouais, mais... Ouais, donc moi je sais que déjà dans ce que j'écoute, quand voilà, quand ça fait un peu trop démonstration de talent, je trouve ça un peu ouais, je sais pas, en fait c'est, tu te montres, quoi, enfin c'est un... En après tout cas, c'est après ça fait partie, ça fait partie, ça fait, c'est une des facettes, quoi, ça fait partie du jeu, ça, c'est une des facettes, c'est pas celle que je préfère, mais au moins t'as essayé, quoi. En tout cas, ouais, tu conseilles l'application. Tu peux juste redonner le nom au cas où. C'est Musician. Donc, tu l'écris comment ? Comme Musician, avec un U comme YouTube. Donc, okay. Y-O-U-S-I-C-I-A-N. Et je fais pyramide. En deux. Ouais, donc, ça, c'était pas mal. On s'est bien amusé avec ça. Bah, ma fille, elle, avec le ukulélé, elle y arrive quand même assez bien. Voilà, elle a quand même 8 ans. Donc même pour un gamin, c'est accessible. Ouais. Ouais, elle arrive quand même à faire quelques petits trucs sympas. Donc elle n'a pas forcément envie de suivre les cours, mais elle veut juste faire sonner le truc, quoi. Donc vu qu'elle a moins de cordes, c'est un peu plus, ouais, j'allais dire, après, plus simple. L'avantage du ukulélé, c'est qu'il y a 4 cordes, ouais. C'est quand même plus, elle a, plus vu accessible. Qu'elle a des petits doigts, c'est aussi... Bon, c'est à sa taille, en fait. C'est à sa taille. Voilà, voilà. Et finalement, ouais, acheter une guitare en 2025, en fait, c'est une guitare sèche ou folk. En fait, le budget, il est pas ouf, quoi. Faut pas. Enfin. Ouais, tu trouves d'occasion. Non, on l'a acheté neuve chez. Non, mais j'ai quelqu'un qui voudrait se lancer et qui veut pas prendre trop de risques. Tu peux trouver des petites guitares pas chères sur le. Toi, sur le site Thomann, ils ont leur propre comment dire guitare marque de guitare entrée de gamme qui s'appelle Harley Benton et en sèche, tu vois. Bah, en fait, tu pour 160 balles, t'as le truc, quoi. Donc, donc c'est vraiment par rapport à il y a 20 ans, tu vois, c'est pas du tout la même chose, quoi. L'offre, elle est vraiment... avoir un instrument, ça coûte plus si cher que ça, quoi. Donc, bon, je sais pas comment est-ce que c'est fabriqué, hein, mais... Mais voilà, maintenant les techniques, c'est pas gardé secret, hein, donc c'est fait à la chaîne, mais voilà, ça se trouve assez facilement et ça sonnera toujours assez bien pour quelqu'un qui veut démarrer. Oui. C'est sûr qu'un puriste ou un guitariste dira toujours ça sonne pas. Après, moi j'ai toujours cet exemple où on avait fait une soirée, c'est une cousinade, et j'ai ma sœur qui avait ramené des potes à elle qui sont des guitaristes manouches. Et pareil, c'était le mec à ma cousine qui avait une guitare sèche, mais un truc vraiment un truc pourri, tu vois, vraiment d'entrée de gamme, une guitare qui était vraiment claquée. Hein. Mm-hmm. Mais les mecs étaient tellement forts que ça sonnait. Tu vois que, en vrai, même si l'instrument est pas dingue, si le mec sait jouer. Ouais, ça fait largement la différence. C'est ça, donc je pense que quelqu'un qui débute, il peut pas trop accuser l'instrument, tu vois, je veux dire. C'est ça, une petite guitare de débutant, c'est largement assez bien. Parce qu'on avait essayé au magasin de musique à Célestat, Et en fait, tout était, je crois, les premiers prix. C'était 240 euros, un truc comme ça. Enfin, et après, les prix s'envolaient, tu vois, entre 400 et 600, 400, 600, 800 balles. Fait, attends, c'est quand même une sèche. Enfin, c'est pas non plus... Surtout quand et quand tu jouais, t'avais l'impression d'avoir une... Tu sais, le manche était épais, tu vois, t'as l'impression d'avoir une planche en milieu. Mais c'est pas normal. Enfin, pourquoi je comprends pas le principe. Pourquoi tu payes aussi cher pour un truc qui tient pas dans la main? Bah après, des fois, c'était peut-être une guitare classique. Non, je sais que les guitares classiques, elles ont des manches qui sont assez... Ils sont un peu plus larges que les folk. Du coup, on est en folk. Donc, ouais, les folk, ils ont des manches plus fins. Ouais. Parce que, voilà, je pense que ça doit être à cause des cordes. Parce que les folk, t'es en guitare... Non, t'es en corde... nylon ou... Non, métallique. Métal, ouais. Donc c'est ça aussi, ça projette aussi un son quand même qui est très... entre jouer déjà au doigt et jouer avec un médiator, t'as déjà une différence de... Comment dire? Déjà de précision dans ce que tu fais, parce que quand tu joues au médiator, je dirais que t'es peut-être un peu plus... l'instant où la corde claque, enfin vibre vraiment, l'instant est plus court. Alors peut-être que voilà, après je pense que chaque personne est plus à l'aise avec ce qu'il a envie de faire, mais je pense qu'avec le médiator tu peux aussi envoyer plus. Ouais, t'as une intention qui est différente là, que... ouais. Avec si tu vas juste uniquement au doigt, j'ai l'impression que c'est un peu plus mou que si vraiment tu le fais avec un médiator, ça percute plus. Et moi, enfin, pour l'instant, ce que j'ai remarqué, c'est que le son est projeté, il est mieux projeté. Quoi. Que du coup, tu joues au médiator, toi? Je joue avec les deux. Ok. Je me suis dit que, en fait, j'ai vu qu'avec avec le médiator, tu projetais pas mal. Je fais, moi j'aime bien ça. J'aime bien. Et après, tu dis... Ouais, on a bien compris que bientôt, tu vas t'acheter une guitare électrique, Jean. Non, parce que ça fait... Le truc, c'est que les guitares électriques, il faut vraiment jouer fort avec. Et ça, mais ça je garde quand je serai vieux, tu vois. Quand les enfants, ils seront plus à la maison. Un énorme ampli... Bah oui. Et tiens, parce qu'en y pensant, sur YouTube... Il y a le campus de Reda. Oui, je connais. C'est une chaîne YouTube de guitare. Je connais et je trouve que c'est vachement bien fichu. Et ce qu'il fait est assez sympa. Et il a aussi une méthodologie un peu de guitare. Et du coup, moi, ça me faisait beaucoup rigoler parce que sa méthodologie pour débutants, en fait, c'est à deux doigts de sonner. Donc c'est les deux doigts du métal, donc les cornes du diable. Les cornes du diable, mais aussi à deux doigts de sonner, parce qu'en fait, t'étais presque à deux doigts de réussir, donc c'est aussi rigolo le petit jeu de mots. Et il fait jouer tout de suite des chansons en fait que j'apprécie, quoi. Donc j'aime bien. En plus, il a une approche, enfin, des fois quand il fait des tests d'instruments ou autre, je trouve il a un côté critique mais toujours très objectif, tu vois. Et même justement sur des instruments, des fois qui sont pas des instruments très chers. Il a fait une petite spécialisation en j'ai trouvé une guitare dans une poubelle, on va voir qu'est-ce que c'est, ou même sur des certains instruments un peu entrée de gamme comme ça, où je trouve il fait des démos. J'achète une guitare sur Temu. Oui, et... voilà. Et c'est aussi intéressant de voir un gars qui maîtrise, tu vois, voir comment il arrive à faire sonner des instruments dits bas de gamme. Je trouve ça toujours intéressant de... Ouais, parce que, comment dire, après, il pourrait aussi le faire avec des instruments plus haut de gamme, mais en fait, ce que lui, il arrive à avoir au début, c'est des trucs pas chers, quoi. Donc, donc forcément... après, c'est un bel instrument, c'est comme un meuble, tu vois, tu l'achètes une fois, et après, tu l'as, quoi. C'est le truc, normalement, il est censé être increvable, quoi. Mais Oui, et puis après aussi, t'as des, suivant la guitare que t'achètes avec certaines séries, t'as des, ça peut même prendre de la valeur. Moi, je vois, j'ai mon pote Vincent qui a une. Je voudrais pas dire de conneries, je me demande jamais, c'est pas une. Une Les Paul une... Oh, je sais plus, mais bref, il avait acheté une guitare quand il avait, il y a quelques années. Il a voulu, tu vois, se lancer. Et apprendre la guitare, mais il s'est dit, oh, je vais quand même acheter une jolie guitare. Et maintenant, je crois qu'elle vaut, je sais pas, genre 6 ou 7 fois le prix qu'il l'a payé à l'époque, quoi. Parce qu'en plus, il avait fait, genre, une fois, il avait fait une modif parce qu'il devait changer un micro ou je sais pas quoi, et du coup, le gars lui a mis des super micros, et au final, il se retrouve avec une guitare qui vaut, ouais, je crois, 6 ou 7 fois ce que lui l'a payé, tu vois. Donc, il y a aussi ce côté. Instrument qui peut se valoriser, même si il dit mais je la vendrai jamais quoi, parce que c'est l'instrument que j'ai acheté pour apprendre l'instrument, il l'adore et tout, mais oui, il peut aussi y avoir ce côté un peu joli meuble ou bel objet en tout cas quand tu l'achètes. Oui, après si tu joues, si tu ne joues plus, tu vois, dessus, c'est vrai que ça fait joli sur un meuble. Oui, ouais. Accroché au mur. Tu sais, moi j'ai bien des synthés posés sur une étagère que j'utilise presque jamais, mais c'est des bels objets. Et il y a Jamie Ryan, c'est le bassiste de Massisteria. Ok. C'est il a joué avant pour Guérilla Poubelle. Mm-hmm. Je sais pas si tu connais un peu le. Je connais de nom. Et en fait, il a aussi une chaîne YouTube. Et lui, en fait, s'il a une guitare auquel il ne joue pas depuis longtemps, en fait, il la revend parce qu'il dit ben moi, ça m'embête de voir un instrument comme ça qui n'est pas joué. Alors du coup, il vit pas. Donc lui son truc c'est ben voilà, si j'y touche pas, ben en fait je le revends quoi, et je préfère que ce soit quelqu'un qui joue au quotidien dessus, que ça serve quoi, qu'au lieu de le dire oui je l'ai alors que c'est plusieurs approches différentes, ouais, et puis après c'est aussi les problématiques d'accumulation et de enfin moi je sais que j'ai du mal à revendre les trucs, même si j'essaye quand même. Mais oui, je peux. Enfin, en vrai, ça a tellement de sens de se dire, si j'utilise pas cet instrument, je vais. Enfin, l'instrument, c'est fait pour vivre. Donc oui, ça sert à rien qu'il prenne la poussière, quoi. Et puis voilà. Surtout si c'est un mec qui joue régulièrement, s'il l'utilise pas, c'est qu'il en préfère d'autres et qu'il y a sûrement des raisons et que voilà. Il y a aussi, je pense que des fois. Surtout, ouais, même, enfin, tu me diras, j'allais dire surtout pour un guitariste, non, j'ai une pote qui a acheté un piano il y a pas longtemps, et elle a essayé, mais plein de pianos différents, et alors que tu te dis, un piano, tu vois, genre, il y a les touches, ah ouais. Tu vois, genre, ça pourrait être la même chose, mais en vrai, quand tu discutes, bon, après, en plus, c'est un joli piano qu'elle s'est offert, parce qu'elle elle en avait déjà un, mais là, elle voulait se faire plaisir, tu vois, sur un bel instrument et tout. Donc c'est pareil, t'as un côté, c'est un certain prix, mais du coup elle a essayé plein de pianos et machin, et je pense qu'il y a un côté presque rencontre, tu vois, vraiment avec l'instrument, je pense pour les musiciens. Parce que je me souviens maintenant quand j'avais utilisé on a une espèce de synthé à la maison. Et j'avais essayé justement avec l'application faire l'application piano pour essayer quoi, juste pour tester. Et en fait moi ce qui m'énervait, tu vois, c'est qu'en fait sur un synthé, en fonction de la force où tu appuies sur la touche, en fait le son c'est toujours le même parce que c'est un contact électronique, c'est un interrupteur on off, tu vois, ça dépend des synthés. Et voilà. Après, en fonction des options que tu as. Où tu vas avoir un. Je sais plus comment ils. Je sais pas, mais c'est l'aftertouch ou je sais pas quoi. Ouais, je sais. Ouais, le côté, mais en tout cas, qui va analyser aussi. Ouais, en fonction de la force à laquelle tu appuies sur le. Parce qu'il y en a qui ont directement les mécanismes de marteau derrière, qui ont gardé comme sur les pianos traditionnels, et d'autres qui sont vraiment un synthé sans marteau. où bah là, tu n'as pas le mécanisme, c'est pas aussi lourd à appuyer aussi. C'est un, parce que bon, tu as aussi une résistance quand tu mets tes doigts dessus, quoi. Et moi, c'était le truc, ça m'avait. Au bout d'un moment, en fait, ça te fait chier de t'entendre jouer parce que c'est le son de l'instrument qui est pourri, quoi. Bah Alors après. que, tu vois, le truc ne me fait pas rêver, quoi. Il me dit pas, ah ouais, t'as bien réussi. Il fait, franchement, ton truc, il sonne mal, quoi. Après, moi, je sais que j'écoute beaucoup de morceaux de piano quand je lis. Parce que si je mets des chansons avec des paroles, j'arrive pas à faire les deux, tu vois. Mon cerveau, il est pas équipé pour. Mais du coup, je mets souvent un fond musical, je vais mettre du piano. Et justement, j'adore, moi, dans les enregistrements, quand tu entends. Tu sais, tout ce qu'il y a autour enfin, les bruits de l'instrument, en fait, du piano, tu vois, l'instrument qui va craquer, le bruit Le bruit des doigts sur des sur doigts les sur les frettes, ouais. touches, enfin, tu vois, vraiment tout ce côté très, très, très mécanique qui pourrait être. Tu vois, il y a des gens que ça va énerver parce que ça va leur paraître un peu parasite, tu vois, mais moi, j'adore quand ils utilisent des pédales, tu vois, le bruit de la. Le bruit de la fin du pied sur la Oui. pédale et machin. Et moi je trouve ça, j'adore. Je trouve ça participe vraiment aussi à l'ambiance, tu vois, du truc, quoi. Mais voilà. Je trouve ça intéressant. Voilà, donc moi j'ai plus grand chose à raconter, Benoît, là. Mais non, mais je pense que c'est pas mal. Je pense que moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis si ça vous a décidé à vous lancer dans l'apprentissage de la guitare, n'hésitez pas à envoyer un message toujours à Knack en Vrac. Je vais avoir vraiment une avalanche de messages, moi. Ouais, Écoute, on n'est pas à l'abri. je ne sais pas qu'est-ce que je. Enfin, je sais ce que je vais faire ces prochains temps. Hein. Je vais répondre à nos auditeurs et nos auditrices. Hein. Tu vas devoir dégager du temps pour ça, toi qui as déjà un emploi du temps Ah chargé. bah oui, là. Là Écoute, si vraiment tu croules sous les demandes, je pense que le mercredi tu soir, il va pourras y m'en donner passer. quelques-unes. Ouais. Ok. Bon, bah pour conclure ce 21e épisode, on va faire un petit point Tipeee, Twitter, Instagram. T'as encore un lien Tipeee, Twitter, toi? Oui, ouais, Ouais. j'y T'y vas suis encore toujours. ou J'y vais presque plus, est-ce qu'il y a de mais l'activité, c'est ça? Est-ce qu'il y a de l'activité? écoute, oui, en vrai, je pense, j'ai pas l'impression que ça a plus baissé que ça. Après, comme j'y vais moins souvent, après, enfin, et puis le temps que je me rende compte que je dois aller sur mes abonnements, parce que par défaut, il te met sur les trucs conseillés, Oui. et c'est toujours des trucs qui ont rien à voir avec ce qui m'intéresse, tu vois, du coup, ok. C'est quand même très. Enfin, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Moi, je trouve que c'est ultra orienté politiquement, très à droite, tu vois. Donc, je sais pas comment sont fichus les algorithmes. Bah, il veut te voir quoi d'un côté, de toute façon, hein, lui. Mais ouais, c'est assez fou. Mais oui, non, donc ça bouge un petit peu. J'y vais peut-être tous les 2-3 jours, tu vois. Je fais un Ah, saut. quand même. Ouais, je fais. Ah, parce que j'allais dire, moi je l'ai désinstallé, enfin j'ai déconnecté complètement Mais après, le compte, moi. c'est des trucs, c'est plus des habitudes. Mémoire musculaire, pareil. Moi, j'allais dire, je pense que je vois plus souvent Yann sur Strava que sur les réseaux sociaux maintenant. Donc c'est quand même, on a passé un cap, hein. On a passé un cap. Mais oui, non. Mais ouais, même au global. Ouais, même ouais, Instagram, j'y vais aussi un peu moins souvent. Mais oui, non, Twitter, c'est plus. En vrai, chaque fois que j'y vais, je me dis. Tu vois, je trouve qu'il n'y a pas de. Y a pas de Il n'y a pas contenu, quoi. d'infos intéressantes ou Parce machin. que Donc. moi, je sais que Twitter, ça me faisait beaucoup rire. C'est un truc, Ça, tu c'était voyais. drôle, ou alors il y avait quand S'il même y avait des des. vannes, il y avait de la répartie. Et beaucoup de gens que je suivais n'y sont plus non plus ou postent plus, tu vois, donc. En 140 caractères, tu vois, il te plie en deux, quoi. Et là, il n'y a plus. Il y a plus il y a plus ces choses-là et c'est ouais ça, voilà bon après ça a dû se déplacer hein c'est bah après pour autant tu vois je trouve pas mon compte sur Blue Sky ou d'autres choses tu vois donc bah moi j'ai un compte sur Blue Sky j'ai Blue Sky je sais plus ce que j'ai foutu je crois est-ce que parce qu'en fait, il y a personne quoi. Enfin, il y a pas justement cette. Je recherchais en fait ce nid à blagues et à des débuts de détente, Twitter, tu vois, ouais. Où tu balances les trucs et non mais ça a duré pendant des années quand même. C'était un peu le festival quoi. Et ouais non Blue Sky, je l'ai viré aussi. Donc voilà, je ne suis plus que sur Instagram et encore j'ai. Je télé alors je vous dévoile un peu les coulisses de l'émission mais je réinstalle Instagram à chaque fois qu'on a un épisode à publier pour pouvoir refaire un peu de com autour et tu le vires après et après je le vire mais parce que sinon moi je le regarde depuis mon comment dire mon logiciel comment dire de non de depuis ma page web tu vois Je regarde directement dessus parce qu'en fait il y a c'est trop addictif tu vois je peux pas passer des heures là-dessus tu vois il faut que je fasse autre chose alors du coup à chaque épisode je vais le rechercher alors c'est pour ça en fait ils ont plein de comment dire je pense qu'au niveau statistique, ils sont bons, tu vois, parce que ouais, ils ont encore une personne qui vient de télécharger notre application, c'est génial. Je fais, ouais, mais attends, depuis que j'ai mon compte, franchement, j'ai dû le télécharger plus d'une centaine de fois. Ah ouais, la vache. Donc, voilà, parce que régulièrement, je la dégage. Parce que bon, je travaille pas dessus, donc j'ai pas d'intérêt. Mais après, je sais que j'avais été pas la première personne que j'entends qui dit qu'il utilise uniquement via l'interface web aussi, tu vois. Justement pour limiter le. Pour éviter de pour plus avoir l'appli. Limiter l'effet zapping aussi. Ouais. Et pour plus avoir l'appli sur le téléphone et d'y aller machinalement et de scroller. Parce que quand tu vas y aller via ton navigateur, souvent ça va être dans un but précis. Oui, en plus, ouais, c'est comment dire, la publication, elle est limitée, tu vois, je peux pas faire... Il y a des choses que tu peux avoir, tu fais juste une publication basique, c'est bon, mais tu vas ajouter des petits textes, tu vas ajouter une musique, là, tu peux pas le faire, quoi. Donc, c'est pour ça que je le retélécharge pour chaque nouvel épisode. Voilà, donc ça, c'est un... Voilà, donc... On peut nous avoir sur Instagram. Oui. Et voilà. Donc, si l'épisode vous a plu, bah, faites-en profiter vos amis. C'est le meilleur moyen de nous envoyer de nouvelles auditories. Voilà. De faire gonfler cette masse. cette masse silencieuse. mais tellement puissante. et universelle. Voilà. Donc, et si vous voulez venir participer, bah, contactez-nous. Voilà. Et aussi, pensez à mettre 5 étoiles alors sur 5 étoiles et un commentaire, mais partout, enfin sur votre application. Ah oui, ouais, dès que vous pouvez. Ouais, Alors, enfin sur Apple Podcast, ça aide beaucoup au référencement. Sur votre frigo, mettez-nous 5 étoiles. sur Spotify, normalement, ils peuvent poser des questions aussi. Mais pour ça, il faudrait aller sur l'interface Spotify du podcast. Sur Spotify, j'ai viré Spotify. Ah oui, à cause de la musique. Ouais. Parce qu'on risquait de se faire tège à cause des. Ouais, en fait, ils voulaient plus. Cause de Mia. Mia Julia ou. Non, même pas Mia Julia qui est à tous les épisodes. Alors, je suis outré. C'est vraiment juste sur des extraits musicaux et j'ai dit comme quoi bah, c'était que des extraits. Voilà, Spotify. Je sais que Spotify est chiant là-dessus. Enfin, chiant. Donc, propriété intellectuelle, ouais, bon, après. Oui, bon, propriété intellectuelle, mais ils roulent quand même dessus dès qu'ils peuvent, quoi. Donc, ouvertement. Je me dis sur des petits podcasts à faible audience, quel est l'intérêt, quoi. Enfin, ouais. Donc, bref. C'est un autre débat. Peut-être dans un jour, si on a un invité spécialisé dans la propriété intellectuelle, on pourra en discuter plus en profondeur. Ça se trouve, il y a plein de choses à connaître. Et ça peut être intéressant à voir. Bon. Ok. Bon. À la prochaine. Allez, merci. Allez. Ciao. Joyeux 7, Pascal. Ah, punaise, maintenant, il faut que je retrouve le... l'outro. Allez, salut tout le monde. Alles läuft, weil wir es können. Wir sind nicht aufzuhalten, ganz nach oben suchen.